Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mort de Lady Di, le 31 août 1997. Où est-ce que l'on sait que c'est une agence? On vient d'apprendre que Diana est morte. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est affreux. Oh mon Dieu. C'est affreux. C'est terrible. C'est affreux. Je tiens à vous rappeler que la princesse Diana est décédée. C'est une nouvelle terrible. Quand on annonce le décès de la princesse Diana le 31 août 1997, le choc est grand. La nouvelle fait d'ailleurs très, très vite le tour du monde. Il faut dire que les circonstances de sa mort sont tragiques. Diana n'a que 36 ans quand elle meurt dans un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris, alors que le chauffeur de la voiture dans laquelle elle se trouve avec son compagnon Dodi Al-Fayed tente de fuir les paparazzi qui ont pris leur voiture en chasse. La mort de Diana, c'est aussi la fin d'un conte de fées qui a mal tourné, son mariage avec le prince Charles et dont la planète tout entière a suivi les péripéties dans les médias. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest. Placed itself where lives were torn apart. You called out to our country. Un amas de ferraille avec sur le pare-brise une veste en lambeaux. Voilà tout ce qui reste de l'accident. L'état de la Mercedes ne laisse aucun doute sur l'extrême violence de l'impact. La princesse Diana et son compagnon Dodi Al-Fayed avaient quitté le restaurant de l'hôtel Ritz, propriété du père du milliardaire, peu après minuit en direction de son hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Pourchassée par des photographes, des paparazzi en moto, la voiture s'engage à plus de 150 km/h, deux fois la vitesse permise dans le tunnel du pont de l'Alma, apparemment suivie de près par les chasseurs d'images. Dans le virage, elle heurte un pilier. C'est le choc. Dodi Al-Fayed et le chauffeur meurent sur le coup. La princesse, elle, est grièvement blessée, mais il faudra plus d'une heure pour la dégager de la voiture. Elle est ensuite transportée à l'hôpital, mais les médecins ne réussiront pas à la sauver. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset. When rain set in, and your footsteps will always... Le chanteur britannique Elton John interprétant la chanson Candle in the Wind aux funérailles de Lady Di le 6 septembre 1997. Vous entendiez aussi dans cet extrait un extrait du reportage de Céline Galipeau le jour même de la mort de la princesse Diana le 31 août 1997 pour nous raconter ce triste épisode de la mort de Diana, pour nous rappeler aussi l'énorme retentissement qu'a eu cette mort au Royaume-Uni, mais partout dans le monde. Je reçois mon collègue, le journaliste Marc Lorandeau. Marc Lorandeau, bonjour. Bonjour. Quelle place ça occupe? Commençons par l'aspect britannique, Marc. On parlera du retentissement dans le monde tout de suite après, mais quelle place ça occupe cette mort de Diana dans l'histoire récente des Britanniques eux-mêmes? Immense. Certains ont dit même que c'était l'événement représentatif du 20e siècle, que cette mort... En fait, ça clôt le 20e siècle. Et ce qui est important, c'est qu'elle était... On savait que c'était une femme qui faisait preuve de grande compassion. Elle serrait la main des Sidéens. Elle s'assoyait sur le lit dans les hôpitaux avec les malades. Elle faisait une lutte contre les mines antipersonnelles. Elle a traversé un champ de mines. Elle a risqué sa vie en faisant ça. Et plus largement, elle avait un sourire, une expression corporelle spontanée, et alors que la reine retire son sourire très, très vite, une fois que le protocole l'exige plus. Ouais. Alors, elle, son expression corporelle traduisait une fière allure, un naturel inouï. On la voyait sauter au cou de ses fils. Alors, les gens l'aimaient. Elle dépoussiérait la monarchie. Ouais, voilà. Elle se trouvait à montrer à quel point là, il y avait besoin d'un grand ménage là-dedans. Ouais. Alors, tout le monde s'est attaché à ce personnage. Tout le monde, et pas simplement au Royaume-Uni. Je le disais, la nouvelle de sa mort a un retentissement partout dans le monde. Pourquoi cette histoire-là, cette mort-là, touche autant de monde partout dans le monde? partout parce qu'elle était connue. C'est, ouais. Il y a des aspects positifs, évidemment, des campagnes humanitaires caritatives ouais. dont je vous parle, mais c'était une jet-setter. On vient d'entendre Elton John, mais le 22 juillet, avant sa mort, elle était avec Elton John pour célébrer les funérailles de Versace, le mmh. grand couturier qui avait été assassiné. Elle se déplaçait partout dans le monde. Elle était allée vendre ses robes chez Christie's. Je crois que c'était au printemps, mmh. Juste avant sa mort. Alors, elle parcourait le monde. Juste un mot sur Céline Galipeau, très mmh. brièvement. C'est inouï parce qu'elle vient d'être nommée, après un stage à Moscou, correspondante internationale pour Radio-Canada à Paris. Le jour même où Dodie et elle, Diana, étaient pourchassées dans les rues de Paris, et juste avant la nuit où elle allait mourir. Alors, cette pauvre Céline Galipeau a à peine le temps de poser ses ouais. valises et elle sera prise dans un tourbillon de 10 jours. Le baptême par le feu pour ce qui est de son affectation à Paris. Pour comprendre un petit peu ce qui mène à cet accident, il faut revenir en arrière, Marc Laurendeau. Commençons par la principale intéressée, Diana elle-même. Qui est-elle, Diana Frances Spencer? Ben, de l'aristocratie britannique. Elle est née à Sandringham et élevée, elle était puéricultrice, était dans une espèce de sérail là, aristocratique, et elle avait juste le bon âge. Et dans la famille royale, on commençait à faire pression sur Charles pour qu'il se marie. Il commençait mm-hmm. à être, comme on dit, un vieux garçon. Ouais. Et Philippe, en particulier, faisait des pressions. Et puis, il y a cette jeune femme qui avait toutes les qualités, en apparence, pour devenir sa femme. Alors, ils annoncent les fiançailles. Et vous vous souvenez de cette scène célèbre et inouïe où on demande « Est-ce que vous êtes en amour ?» Elle dit « Bien sûr ». Et lui répond « Well, whatever love is ». C'est incroyable. Ouais. Hein? Quand on est en amour, on ne dit pas des choses comme ça. Et il gardait encore, et c'est ça, là, dans le fond de ses tiroirs, une vieille liaison avec Camilla Parker Bowles. Ouais. Et elle a découvert, Diana, que c'est normal de garder des liens avec ses anciennes compagnes. Mais à ce point, c'est que la relation était encore active, elle s'en est aperçue. Ouais. Et ce qui fait que le jour même de ce fameux mariage qui est célébré en grande pompe, qui est télédiffusé, on a parlé de ce mariage comme le mariage du siècle, le jour même de ce mariage, le 29 juillet 81, déjà, ça vacille, cette relation-là. Il y a eu une querelle, là. Il y a eu une querelle à propos de cadeaux et puis d'échanges de billets entre Camilla et Charles. Alors, ouais. Il est évident que la princesse était très jalouse, surveillait si elle serait là au mariage et où elle serait. Elle l'appelait d'ailleurs du nom d'un chien très méchant, Rottweiler. Alors, oui, il y avait cette relation, mais en plus, c'est que le prince Charles avait un côté quand même un peu goujat. C'est-à-dire, il la connaissait très peu, hein? C'est-à-dire qu'il l'avait vue très, très peu avant son mariage. Mais quand il la fréquentait, il l'appelait tous les jours pendant une période et puis il était 3 semaines sans l'appeler. Mm-hmm. Quand même, quand on veut épouser quelqu'un. Alors, il y a cet aspect-là. Et qu'à un moment donné, quand elle lui a reproché des choses sur Camilla, il répond, moi, vous n'allez pas me forcer à être le premier prince de Galles qui n'a pas de maîtresse. Ouais. Si on avait... Parce qu'au fond, les deux, Diana à leur manière et de manière différente, mais Diana et Charles seront malheureux dans ce mariage. Si on avait à résumer le malheur de l'un et l'autre, d'abord Diana. Quel sera son drame principal? C'est évidemment Camilla, le drame de Diana. Oui. D'abord. Three in this marriage. It was a bit crowded, avouera-t-elle à Panorama Martin Bachy. Elle lui dira ça en entrevue, mais ça résume tout. Ouais. On peut pas vivre avec un ménage à trois au 20e siècle, même si des monarques antérieurs ont accepté ces situations-là. C'était ça son malheur. Un mari qui ne s'occupait pas d'elle. Ouais. C'est ça. Et ce qui fait qu'elle aura par la suite une demi-douzaine d'amants là, répertoriés dans la presse. Ouais. Mais elle était en quête de bonheur. Elle était une jeune femme attrayante. Elle ne veut pas vivre une situation comme ça. Son drame à lui, maintenant, vous me le demandiez, c'est qu'il était éclipsé par elle. C'est-à-dire que quand on allait dans des foules... On l'aimait, elle, plus que lui. Ben, très élégante, souriante. Elle... plus spontanée. Alors, le point d'attraction, c'était elle. Là. Puis à cause de l'aspect humain, la compassion qu'on sentait chez elle. Mm-hmm. Alors, la vedette, c'était elle. Ouais. Alors, il prenait ombrage de ça. Alors, tout ça, évidemment, se termine dans les circonstances qu'on sait lors de cet accident du 31 août 1997. Elle est en compagnie, lors de cet accident, de son nouvel amoureux, Dodie Al-Fayed. Qui est-il, Dodie Al-Fayed, Marc Laurendeau? un fils de millionnaire, pas mal dans l'ombre de son père. Il a été producteur de cinéma. Mais la plupart des gens s'entendent pour dire que c'est un être éminemment superficiel, un playboy. Et c'est, ce qui est inouï, c'est qu'il a, il était fiancé à ce moment-là. Et il tenait sur un bateau, une goélette, une jeune femme à qui il avait donné une bague, et bague de fiançailles. Et là, il la tenait vraiment à l'écart pour séduire Diana. Et qui il était, vraiment pas un personnage pour Diana. Sauf que il y avait des côtés positifs. Il la comblait de cadeaux. Ouais. Une bague chez Repossi, dont elle allait prendre livraison à Paris. Une montre avec sertie de bijoux. Bref, il était prévenant et il s'occupait d'elle. Mm-hmm. Mais elle avait dans sa tête, pendant 2 ans, juste avant ça, Hasnat Khan, un médecin cardiologue, chirurgien cardiaque, plus exactement, qui travaillait à l'hôtel Royal Brompton, où elle l'avait connu, et qu'elle aimait follement. Elle voulait l'épouser, elle voulait même, elle a envisagé de se convertir à l'islam. Ouais. Et de fait, Dodi, pour Diana, c'était peut-être une manière d'embarrasser la famille royale. Et pour Dodi, Diana, c'était un petit peu le mariage que souhaitait son père. Oui, Mohamed El Fayed, vous voulez dire. Oui, oui, absolument. Lui voulait, parce qu'on lui refusait un passeport britannique. Alors, si sa famille entrait dans la dynastie, quoi de mieux? Mm-hmm. Lui, il ambitionnait ça. Et c'est pourquoi, lors des premières vacances à Saint-Tropez, il invite le fils, là, qui était un playboy, encore une fois, sans vraiment d'envergure. Et puis, qui lui fait la cour. Puis, finalement, ça finit par marcher. Elle est séduite. Il y a même un baiser au large de la Sardaigne sur un yacht qui est immortalisé, là. Alors, oui, il y a, comment dirais-je, une séduction, mais elle appâte les photographes parce qu'il y a Camilla qui fête ses 50 ans, puis elle veut l'éclipser, Diana. Ouais. Deuxièmement, il y a ce Hasnat Khan. Avec lui, il y a des ruptures, des reprises, des ruptures. Et elle veut le rendre jaloux avec ses frasques en compagnie de ce playboy. Alors, revenons à cet accident, à cette mort de Diana qui, véritablement, va provoquer une commotion au Royaume-Uni. Moi, je me souviens, c'est ce qui me revient tout de suite quand je pense à ça, c'est les Britanniques. C'est ces images de Britanniques en pleurs, qui pleurent avec beaucoup de dignité la perte de leur princesse. On écoute le premier ministre britannique de l'époque, Tony Blair, réagir à la mort de Diana le jour même de sa mort, le 31 août 1997. We are today a nation in Britain in a state of shock. Aujourd'hui, la nation britannique est en état de choc, en deuil, et doit vivre avec une douleur pénible pour tout le monde. That is so deeply painful for us. She was a wonderful and a warm human being. La princesse était une personne merveilleuse et un être humain chaleureux. Partout, non seulement en Grande-Bretagne, mais bien partout, les gens gardaient espoir avec la princesse Diana. Ils l'ont appréciée, aimée et la considéraient comme une des leurs. Elle était la princesse du peuple et c'est ce qu'elle va rester. Elle sera dans nos cœurs et nos souvenirs pour toujours. Et c'est comme ça qu'elle va rester, comme elle va rester. In our hearts and in our memories, forever. Pourquoi, Marc Laurendeau, cette mort de Diana touche tant et aussi profondément les Britanniques? Les gens s'identifiaient à elle, l'admiraient. C'était une représentation vive, pétillante de la monarchie, surprenante, attachante aussi. J'aime bien l'expression. Tony Blair, il a compris, là, la princesse du peuple. Mm-hmm. Il a compris plus vite que la reine, d'ailleurs, à ce moment-là. Et à l'expression panorama, Martin Bashir, l'animateur, lui demande « Finalement, vous ne serez pas reine. » Elle répond « Mais je serai la reine des cœurs. Ouais. » Et plus tard, 4 jours avant sa mort, Annick Cogent du Monde publie une magnifique entrevue. Et la journaliste coiffait son article du titre « La princesse au grand cœur ». Elle l'avait reçue à son palais de Kensington, avait parlé très franchement. Et Annick Cogent, qui est une journaliste sérieuse, qui ne fait pas dans le People, avait été très admirative de Diana à ce moment-là. Vous évoquiez la réaction de la reine, qui sera effectivement très, très différente de celle qu'on vient d'entendre, celle du premier ministre Tony Blair. Elle sera plus froide, cette réaction. Elle sera surtout très tardive. On écoute la reine, dans un discours à la télévision, prononcé le 5 septembre 1997, à la veille des funérailles de Diana et à la demande du premier ministre Tony Blair. We have all been trying in our different ways to cope. It is not easy to express the sense of loss. Nous avons tous essayé différentes façons de faire face à la réalité. Il n'est pas facile d'exprimer un tel sentiment de perte, Le choc initial étant rapidement suivi par un mélange d'émotions, incrédulité, incompréhension, colère, en plus de la préoccupation pour ceux qui restent. Nous avons tous vécu ces émotions au cours des derniers jours. We have all felt those emotions in these last few days. So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart. Ce que je vous dis aujourd'hui en tant que reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Diana. Elle était une personne exceptionnelle. Dans les bons et les mauvais moments, elle n'a jamais perdu sa capacité de sourire et de rire, ni d'inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais pour son énergie et son engagement envers les autres, mais d'abord et surtout pour son dévouement envers ses deux garçons. Cette semaine, à Balmoral, nous avons tous essayé d'aider William et Harry à accepter cette perte dévastatrice qui nous fait tous souffrir. Comment décoder ce qu'on vient d'entendre, Marc Laurando? Comment expliquer cette très grande réserve de la reine à la suite de la mort de Diana? Elle définit bien Diana, mais c'est un peu cérébral, à mon avis. C'est à côté de la réaction de Tony Blair qu'il sentait là, vraiment dans ses viscères. Et il exprimait tout ce que le peuple britannique et d'autres à travers la planète éprouvaient envers Diana. Oui. Elle, on sent que c'est juste, les mots qu'elle emploie sont précis, puis elle désigne l'aspect attachant, et particulièrement la relation avec ses fils. Tout ça est vrai, mais ça arrivait bien tard. Et encore une fois, il y a une dimension un peu trop analytique, un peu trop cérébrale. C'est la tête on aurait parle. Aimé, là, que... mais elle a sauvé les meubles, parce que ça allait très mal. Il y avait des gens qui... On interpellait la monarchie. Je n'ose pas penser que la monarchie aurait basculé, que le trône aurait vacillé, mais il y avait quand même des gens qui réclamaient à ce moment-là que la reine soit plus présente et qu'elle manifeste son deuil. Et ça allait mal. Elle est venue pour, en quelque sorte, sauver les meubles. Mm-hmm. Et la monarchie, d'une certaine manière. Elle a montré qu'elle pouvait... pas juste fonctionner avec le protocole, hein, c'est-à-dire on va garder les fils là-bas, on va les tenir dans un cocon. Ouais. Puis elle n'est pas de la famille royale, c'était ça le raisonnement théorique. Elle n'est pas de la famille royale, donc pas de funérailles nationales. Ça va bien sur papier, mais dans la réalité c'est autre chose. Ouais. Qui nous rattrape. Revenons à l'accident d'août 1997, aux circonstances de cet accident, Marc Laurando. À nouveau, je vous propose d'écouter un extrait du reportage de Céline Galipeau, le 31 août 1997, le jour de l'accident. Très vite, ils sont venus, des centaines de personnes anonymes, avec des fleurs, avec leurs larmes, pour rendre un dernier hommage à cette princesse qui avait su les faire rêver et les toucher. Mais au-delà de la tristesse, il y a aussi la colère contre des photographes prêts à tout pour ces photos vendues jusqu'à 5 millions de dollars qui font la une des journaux à sensation. Il ne fallait pas la traquer dans sa vie privée, où ça ne regarde qu'elle et que... on est toujours à la poursuite d'un espèce de... d'argent, quête de l'argent sauvage, voilà où on en est. C'est le capitalisme à la sauvage. Pendant 17 ans, ils l'auront suivi pas à pas, traqué dans ses moindres déplacements. Une presse féroce qui ne pardonne rien, avait déjà dit la princesse. Des paparazzi qui auront contribué à en faire une des plus grandes vedettes médiatiques au monde, mais qui, selon plusieurs, lui auront aussi coûté la vie. Céline Galipeau, Radio-Canada, Paris. Que dire, Marc Laurando, de ce débat? Il sera vif, ce débat, sur le rôle et la responsabilité des photographes dans la mort de Diana. Ce sera l'angle d'étude en France. En Angleterre, ce sera plutôt les théories complotistes qui vont alimenter les tribunaux. Alors, en France, on cherche à déterminer la responsabilité des photographes envahissants. Ouais. Et le parquet de Paris, une instance policière chargée de faire rapport, avait mobilisé 30 inspecteurs, interrogé 300 témoins. Et au bout de 2 ans, août 99, ça sort en août 99, l'accident qui a coûté la vie à Diana, c'est la conclusion, est dû à la vitesse excessive du véhicule. Oui. Et le chauffeur de la voiture Mercedes, Henri Paul, était dans un état d'imprégnation alcoolique important. Oui. Alcool et médicaments antidépresseurs. Le comportement des 9 photographes et du moteur de la presse ne relève pas de la responsabilité criminelle, mais d'appréciation déontologique. Oui. Il y a eu, tant en France qu'en Angleterre, par la suite, des changements de comportement. En Angleterre, une autre affaire, c'est une saga judiciaire beaucoup plus longue à cause des théories complotistes. Il y a une lettre manuscrite de Diana, figurez-vous, en 95, à son majordome Paul Burrell, où elle lui dit que son ex-mari, elle craint que son ex-mari lui fasse faire un accident de voiture en sabotant ses freins pour laisser la voie libre pour qu'il puisse se remarier avec Camilla. Alors, elle écrit ça. Et puis Mohamed El Fayed, le père de Dodi, accusait le prince Philippe, lui, qui aurait voulu éviter qu'un musulman n'entre dans sa famille. Alors, à cause de toutes ces théories-là, ça créait une pression publique. Il y a eu une enquête policière présidée par Sir John Stevens, grand policier et l'équivalent du préfet de Londres, super policier lui-même. Alors, on interviewera de 2004 à 2008 250 témoins. Il y aura enquête du coroner. Verdict du coroner. Conclusion. C'est un accident. Ouais. Les théories complotistes reviennent en 2013, figurez-vous, grâce encore à Mohamed El Fayed, qui accuse cette fois les services secrets. Et enquête de Scotland Yard, même conclusion, c'est un accident. On a des précisions. Vitesse excessive, pour la configuration des lieux, ouais. Ça n'a pas de sens d'aller à 150 km/h dans un tunnel aussi étroit. Henri Paul avait 3 fois le taux d'alcoolémie permis. Enquête journalistique française récente, en 2017, dit que la Mercedes accidentée était une véritable épave. Oui. On l'avait rafistolée, mais au-delà de 40 km/h, elle était incertaine. Observation qu'on peut faire maintenant sur ça. Le Ritz était propriété de Mohamed El Fayed. Le père de Dodi, oui. Oui, c'est ça. Responsabilité civile, c'est lui qui engageait ou qui sous-traitait le système des chauffeurs. Et aussi Dodi. Pendant la journée, et un peu comme un excité, il changeait à tout moment les plans pour aller dans d'autres directions. Alors, et puis, ils n'avaient pas bouclé leur ceinture. Alors, il y a des responsabilités de tous les côtés, mais principalement, s'il y a quelqu'un qui est responsable, c'est Mohamed El Fayed lui-même, d'avoir eu à son emploi un tel chauffeur et dans son parc de véhicules une voiture aussi, comment dirais-je, inapte à être utilisée. Un mot encore, Marc Laurendeau. Céline Galipeau y faisait référence dans l'extrait de reportage qu'on a entendu sur la nature de la relation de Diana avec les médias, qui l'a servi, qui a peut-être conduit à sa perte en même temps. C'est une relation amour-haine. Parfois, elle était dans une grande colère quand on envahissait la vie de ses fils en particulier. On la voit d'ailleurs, c'est à Saint-Tropez, elle est allée négocier avec eux. Un modus vivendi, pour qu'ils prennent certaines images, mais qu'ils les lâchent en paix de temps en temps. Alors, c'est une relation ambiguë. On les haït, mais ils nous sont bien utiles quand on veut rendre jaloux un amoureux à distance, quand on veut éclipser Camilla, et quand on veut se promouvoir. Alors, il ne faut pas négliger ça. Quand on regarde l'ensemble de la cause, c'est clair qu'elle, si elle avait voulu une absence totale de médias, elle ne serait pas allée à Saint-Tropez, elle ne serait pas allée en Méditerranée, puis elle ne serait pas allée au large de la Sicile, comme elle l'a fait, au large de la Sardaigne, plus exactement. Marc Laurendeau, comme toujours, c'était fascinant. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Marc Laurendeau, je vous le rappelle, journaliste, observateur avisé et de la monarchie et ami de l'émission. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.